monnaie, pour la monnaie. Je me lève pour faire la monnaie, j'ai trop zoné. Et je roule là pour m'envoler, m'envoler. Et je roule là pour m'envoler, j'ai trop zoné.